Métal précieux par excellence, l'or a toujours exercé une profonde fascination chez l'homme. Le Musée de la Civilisation vous invite à vous laisser emporter par cette fièvre en parcourant l'exposition « Or des Amériques ». Vous y découvrirez une saga passionnante et brillamment racontée à travers des objets fabuleux. Des bijoux et des objets de culte d'or pur modelés par les civilisations précolombiennes aux pépites des ruées vers l'or, en passant par la plus grosse pièce de monnaie d'or au monde, vous en sortirez ébloui. Or des Amériques au Musée de la Civilisation est présenté en collaboration avec la Monnaie Royale Canadienne, Agnico Eagle Mines Limited, Goldcorp Inc., IM Gold Québec Inc. et l'Association Minière du Québec. Sais-tu qu'est-ce qui me fait plaisir, moi? C'est quand ça sent les pâtes à frites. Moi, c'est quand je vois quelqu'un qui sourit dans son auto. Moi, c'est quand il fait chaud et que je sens un petit vent léger qui caresse mes cheveux. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir deux personnes qui s'embrassent sur le trottoir. Mon plus plaisir, c'est lorsque mes parents écoutent l'Opinard du chef avec Denis Barry, le jeudi soir entre 20h et 22h à CKRL. Ce soir-là, c'est inévitable. Ils sont toujours de bonne humeur. Ça me fait plaisir. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Good God! Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. What happened? Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Et oui, ça, il me semble que c'est une hystérie collective. Sir Paul McCartney, ce soir, je m'en venais à la station, puis on dirait que je marchais complètement à contre-courant des gens. Donc, si vous hésitiez entre Sir Paul et Web Musique, je vous encouragerais tout de suite à aller voir Sir Paul. Vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion de toute façon. Ça va être disponible demain. Donc, pour ça, vous vous rendez au www.webmusique.org et vous allez pouvoir télécharger l'émission. Donc, allez-y, rendez-vous. Allez vous compacter en ville avec tous les gens, les hélicoptères, tout ça, c'est assez impressionnant. On va débuter l'émission Web Musique avec un groupe qui nous vient de l'Espagne, de la ville de Valencia, plus précisément. Un groupe assez spécial, il s'agit de quatre voix, il y a de la guitare basse, trompette, programmation à l'ordinateur. Donc, c'est un mix de musique folk, de la Catalogne, de l'électro-dub, de la drum and bass, jazz. Donc, c'est un son vraiment spécial. À ma connaissance, j'ai jamais entendu quelque chose du genre. Le groupe s'appelle Orxata Sound System. Je vais vous faire passer trois pièces qui sont sur l'album 1.0. Je vais débuter avec Sobrin Les Portes. Ça va être suivi par Anma Vida Efet Faena. Puis enfin, Offensiva Tutu Pa. Orxata Sound System à CKRL. Bingo! Va! Sobre les mens de molt bons pensaments. Sortes en històries de nou o de cas. Solteren memòries d'origen retrobat. Cada cop que dic una paraula de volar. Cada cop que sento un vital baby demà por allà. We'll be right back. sonrisa en retrobate. Cada parte se duplica al baby y se va por ella. Simònia ens faran viure més temps. Anem de pressa, sense pressa, amb la certesa d'anar bé. Evocant el vell trenet, transport de llauradoria i bona salut restant guaret. Hivern a la darreria i maquinària i espinguet. Aire net, on s'ha llibert, la ciutat amb agonia i rabasseta de llibret. I criden els que poden, perquè podran els qui ara criden. No fa fred i tremolen, són senyals d'un nou sound system. Deixeu les xuntes i veieu que corre l'aire, però que mai es tanquen les portes. S'obrin les portes, el club està així. A tal andana, l'enxufes fa sentir. S'obrin les coses de ritme que canvien. S'obrin les ments de molt bons pensaments. S'obrin les històries de núvols gegants. S'alteren memòries d'origen retrobat. Que sento un mito al baby de ma forella. S'hacen veus amunt de canxa rere l'engorna. Les distàncies alegres ara es corren de profil. Que futur, molt de futur, és nostre meu i meu. S'hacen veus aquí, t'ajuden des de Magic. Som les portes del club està siguent. Et volen d'anar, és un fet assegent. Nieves, me té que triar un element de la nostra paella. Què és el que més li agrada? El mejillón. A guanyar diners, on està, on està? A guanyar diners, treballarem menys i volem menys i gastem menys. Consciència del present, sent autosuficient. La vida he fet faena i me'n van fer falta diners. Pau i alegria, que ja ha passat un dia més. Coses que no precisem i ens són donades. Tabús, sancions, constitucions, consells, alegries, complexes i acabades. Matisos, processos, controles, apariències. El dia a dia, sense patrons, no té la vida. Natura en silenci, a bon botón. No serà moviment picó, sinó seguir la inèrcia dels canvis. Ha ha ha! ese ritmo es volerme. Libre de rentas, no tenir pasión, per amasar res. Vull una vida de simplicitat voluntària, treball satisfactori i amb sentit comú. Gastem en menys nostre talent únic i creatiu, reciclar i compartir tot un món. Anar a la deriva per poder eixir del niu. Treballar en menys, consciència del present ser tot suficient. La vida fet faena i mamà fer falta diners. Pau i alegria, que ja ha passat un dia més. Abús, sancions, constitucions, consells, alegries, complexes, acabades, matisos, processos, controles, apariències, el dia a dia, sense patrons, rota de la vida, natura, en silenci, por botons, ser amo de mentico, si no seguir, la inercia dels camins. Dignificats, germans i germanes, com deia, que ese ritme és voler més, lliure de rentes, no tenir passió per amassar res, vull una vida de simplicitat voluntària, treballarem menys i volem menys i gastem menys, consciència de present sent autosuficient. La vida fet faena i mamà fer falta diners. Pau i alegria, que ja ha passat un dia més. Tots els nous humils cafres. Distribució d'autor. C'était Oaxaca Sound System, un groupe de Valencia en Espagne. Vous venez d'entendre trois pièces sur leur album 1.0. Vous venez tout juste d'entendre Ofensiva Tutupa. C'était précédé par Anma Vida et Fete Faena. Puis on avait débuté l'émission avec Sobrin Les Portes. Donc un groupe qui vient de l'Espagne, qui mélange le folk catalan, l'électro, le dub, drum and bass, jazz, un groupe vraiment complet. C'est ma découverte de la semaine, je vous la recommande, l'album est très bon. On poursuit l'émission avec un personnage qui s'appelle Tom Caruana. Je vous fais entendre deux pièces sur son album Welcome Aboard. C'est sur l'étiquette Buda Beats, une étiquette qui nous vient de Budapest en Hongrie. Donc, je vous fais entendre deux pièces. Get It Off Your Chest, ça va être suivi par This Here's a Party. Donc, deux pièces de Tom Caruana. When the days seem short, nothing of significance to report. You haven't enjoyed that stuff you bought, you just need a rest. Get it off your chest. I haven't seen a girl cause the crazy shift work, it's all berserk and the bed is empty. When I wake up to a hot breath, unpop the bra and then she got it off her now chest. Now it all seems best when the head's in some breast, dressed in less, gives me more interest. Man, this is dope, stress gets left. I had sex then, got it off my chest. Crazy folks do all sorts of shit. When you're pissed off, stuff gets hit. Windows, walls, they all get twatted. It doesn't matter, get it off your chest. The parking ticket gets ripped up. Council tax, they can get fucked. The bills, nice posh food in the lanes. Treat yourself, go on, get it off your chest. Nah, you can't predict a mishap. Like when you've not got a pad and think of a sick rap. I get the kick that brings that swing back. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Get it off my chest. A sunshine mind, once the cloud lifts. Underline positive vibes, a proud gift. Raise craze, cause the sound lifts. I found this, and then I just got it off my chest. I don't tell you what to do, so don't tell me what to do, kid. Your suggestions to me are just stupid. Don't push me, I'm likely to lose it. Dish out your garbage, I'll dish out some bruises. I'm on a come down, my temper is shorter. My true feelings are clearer than water. Bottom of the bottle, with no change for order. This ain't going how it's oughta. Caught up in stress, you need new horizons. Add the element of surprises. And when you're angry, we ain't the wisest. Dumb fucks, forget politeness. Unwritten social rules, they get broken. The time your deepest secret's spoken. So we use our own personal potion. And mine be token. Get it off your when chest. When you're feeling ill, laid up in bed. It's cold outside but hot in your head. You got nowhere but you tried your best. Less stress. Get it off your chest. When an unseen event comes crashing. Sarcastically I say smashing. But at least I've got some passion. Yo, it's all a test. Get it off your chest. Yeah, when that girl you like gets with someone else and you want to fight. Left in the dark, you wanna see the light. It's all a mess. Get it off your chest. When equipment breaks down, you might lose work and it make you frown. But then something old gets found uncompressed. Gotta get it off your chest. There's a party here today. There's a party here today. I can tell it by your smiling faces. There's a party here today. There ain't nobody gonna slug out anything. This here's a party. Sing it, Andrew. There's a party here today. There's a party here today. I can tell it by your smiling faces. There's a party here today. Bargain in the bargain. So now we'll have a great party. Hi, kids. Hi, Tom. Why, very ingenious. Dragons don't smoke cigarettes. They smoke natural light. We have all the psychedelic music. Perfect. We we have what is known as freakout. Well, thanks. I think I should like to thank everybody on that because the vocal support was overwhelming. That was one crazy horse ride through the park. Now let's flip some shit. Then at last, a hooter sounded. Silence! Silence in court! C'était This Here's a Party. C'était précédé par Get It Off Your Chest, deux pièces qui sont sur l'album Welcome Aboard par Tom Caruana. Un artiste qui est sur l'étiquette Buda Beats, une étiquette qui nous vient de la Hongrie, de la ville de Budapest plus précisément. Je vous rappelle que les pièces que vous entendez à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger. Pour ça, ben, rendez-vous tout simplement sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur le site pour télécharger. On poursuit l'émission avec un autre artiste qui est encore sur l'étiquette Buda Beats, une excellente étiquette qui ont seulement 4 albums pour le moment, mais une étiquette qui est vraiment excellente. Je vous recommande tous leurs albums, c'est pas compliqué. On va poursuivre l'émission avec Suave, 3 pièces qui sont sur l'album Sympathy Model. Je vous fais entendre tout d'abord Ex-Fuck, ça va être suivi par Funny et la pièce Scone. Donc Suave. We'll be right back. Napoleon at Waterloo, la la, had an army of debutantes to give the British the well-known ooh la la. He'd have changed the history of France. Front of your chair, place the bongos between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure. Relax, make yourself as comfortable as possible. Slow down, Mr. Bongo. Ouvert depuis 1985, le Bal du Lézard, situé au cœur du magnifique quartier de Limoilou, est un classique pour les étudiants. Voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les jeudis et samedis soirs, de la vodka, une spécialité, offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, Internet sans fil gratuit, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe, soit pizza ou hot dog européen, du baby-foot gratos les mardis, des expositions. Le Bal du Lézard, 3e avenue à Limoilou, 529-3829 ou lebaldulezard.com. Au Bal du Lézard, vous n'aurez plus le sang-froid. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. De retour à Web Music, c'est Simon Roy qui est toujours en votre compagnie. On avait débuté avec un petit bloc de musique assez gentil. Maintenant, on s'en va du côté de l'enfer. Je vous présente une étiquette complètement enragée qui s'appelle Death to Music. C'est un collectif d'Angleterre qui s'oppose complètement à l'industrie musicale, commerciale qu'on a de nos jours. Ils sont vraiment virulents. C'est une attaque donc directe. Ils sont vraiment agressifs, très politisés. C'est une drôle de façon de faire quand même. La plupart des net labels sont assez gentils, évoluent en parallèle de la musique commerciale. Voient pas vraiment une menace parce que, disons, leur genre de musique pourrait pas passer sur les ondes régulières. Donc, Death to Music, la plupart des albums sont disponibles en téléchargement gratuit. Mais c'est un peu bizarre comme façon de fonctionner. Il faut envoyer un courriel, puis il vous renvoie un mot de passe qui permet de télécharger les albums. Par la suite, vous allez recevoir des courriels à toutes les nouvelles sorties d'albums avec les mots de passe pour télécharger les albums. Donc, c'est une étiquette qui est quand même très intéressante, qui donne vraiment dans le heavy metal, le death metal, ce genre de musique-là, même metal industriel, c'est assez varié. Je vais débuter tout de suite avec Black Smoke, la pièce Fuck de Fucking Fuckers, avec des paroles très inspirées, comme vous pouvez le voir. Donc, un groupe de l'Angleterre. Ça va être suivi par Bring Your Own Knife, la pièce As I Cry. Bring Your Own Knife qui vient de Motala, en Suède, donc du gros métal vraiment pesant. Pour tout de suite, Black Smoke avec la pièce Fuck the Fucking Fuckers. Ah! ça fait du bien, un petit peu de musique douce. Donc, c'était Bring Your Own Knife, la pièce As I Cry. Bring Your Own Knife, qui vient de Motola, en Suède. C'était précédé par Black Smoke, la pièce Fuck the Fucking Fuckers, un groupe qui nous vient d'Angleterre. Deux groupes qui sont sur l'étiquette Death to Music, un collectif de l'Angleterre, donc très agressif, anti-industrie musicale, anti-tout finalement. On poursuit avec d'autres artistes qui sont sur la même étiquette. On va entendre tout de suite Norm Rejection. C'est un groupe qui vient de l'île de Malte, en Méditerranée. Il ne doit pas y avoir beaucoup de groupes métal sur l'île de Malte. On va entendre Malta Not For Sale, la pièce titre de l'album du même nom. Puis enfin, on va entendre Zardonic, un gars qui nous vient de Venezuela. C'est un DJ qui fait des remixes de musique métal. Il y a toujours des trucs vraiment intéressants. Je vous fais entendre Triarchy of the Shadows. Donc pour tout de suite, Norm Rejection avec la pièce Malta Not For Sale. Mentalistic, Coca-Cola, Euro Disney, Mountain Pana, Cola Day. encore une autre pièce très douce. Il s'agissait de Zardonic, la pièce Triarchy of Shadows. Zardonic qui nous vient du Venezuela. Avant ça, c'était Norm Rejection, un groupe qui vient de l'île de Malte en Méditerranée. C'était la pièce Malta, Not for Sale. On poursuit l'émission web musique avec un groupe assez spécial. C'est du metal. Il y a des échantillonnages de 8 bits au travers. Je suis un grand amateur de 8 bits, donc c'est tout à fait dans ma palette. Il s'agit du groupe The Bombs of Enduring Freedom, un groupe qui vient de l'Angleterre. Je vous fais passer la pièce War Games. C'est sur la compilation de l'étiquette Death to Music, la compilation Fuck 'Em All Volume 1. Ensuite de ça, ça va être un groupe qui vient de Bordeaux, la belle ville de Bordeaux en France. On salue les habitants de la ville de Bordeaux. Donc, c'est du métal industriel. Le groupe s'appelle Technical X. Je vous fais passer la pièce Disconnected. Pour tout de suite, The Bombs of Enduring Freedom, War Games. This guy's dead now, you know. This is a good feeling. Matthew, you're like, hell yeah, that was awesome. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Eagle, waiting east, west, east. go back to the compound? Go be the search, man. Yeah, go ahead and head out back to the compound. C'était Technical X, un groupe de Bordeaux, France, la pièce Disconnected. Avant ça, c'était The Bombs of Enduring Freedom, la pièce War Games. The Bombs of Enduring Freedom, un groupe qui nous vient de l'Angleterre, qui fait du metal 8-bit. C'était sur l'étiquette Death Music, une étiquette ultra-agressive, politisée, qui prône la mort de l'industrie musicale. Donc, c'est ça, c'est une étiquette quand même assez intéressante. Je vous rappelle que les pièces que vous avez entendues à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger. Pour ça, c'est facile, vous vous rendez sur le blog de l'émission. C'est au www.webmusique.org. Vous avez les liens avec plus de détails sur les artistes, sur les étiquettes. Puis aussi, vous pouvez laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Si vous avez des suggestions, ça va me faire plaisir d'avoir vos commentaires. Donc, c'est tout pour Web Music. Je vais aller me pitcher dans l'hystérie collective du show de Monsieur McCartney. Donc, on va aller voir ça. Je vais peut-être même essayer de vous faire quelques enregistrements. Je vais mettre ça sur le site de l'émission.